Les rances des Jacobites, destitués du trône d'Angleterre en 1688 et contraints à l'exil en France puis en Italie, a bénéficié en ces dernières décennies du regard attentif des historiens. Leur patronage artistique, de Londres à Saint-Germain, de Rome à Bologne, a également fait l'objet de plusieurs études en mettant en lumière, entre autres, le rôle dans la constitution de l'identité d'une cour en mouvement perpétuel. Louis XIV avait accueilli les Stuarts en leur permettant de s'installer au château de Saint-Germain-en-Laye, l'une des résidences royales, où ils allaient rester pendant trois décennies, jusqu'à 1718, année de la mort de Marie de Modène, la femme de Jacques II. Si pendant la période londonienne, le champ d'action de la reine était resté circonscrit, les années d'exil à Saint-Germain-en-Laye lui offrirent, d'une manière paradoxale, l'occasion de s'affirmer davantage comme mécène. La reine était originaire de la cour de Modène, où la musique avait toujours occupé une place de choix. Son frère, le duc François II, avait réuni l'une des collections de musique les plus imposantes de l'Italie du XVIIe siècle, laquelle témoignait entre autres de l'activité artistique qui se déroulait dans sa maison. À l'instar de son frère, Marie souhaita conserver une trace de la musique qu'on entendait dans les salons du château de Saint-Germain, en confiant à Innocenzo Fede, le maître de musique de sa cour, le soin de choisir et d'assembler les pages emblématiques de ses répertoires. Sept volumes réalisés par les copistes de la Bibliothèque royale, aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale de France, renferment des airs italiens, mais aussi des cantates et des sonates pour flûte ou pour violon. Au début du XVIIIe siècle, cette série de manuscrits a été recopiée à l'identique pour le comte Alexandre de Toulouse, prince appartenant à la cabale de dauphins et amateur, comme les autres membres de ce groupe, de musique italienne. Vous en avez entendu parler beaucoup en ces jours. Mon intervention envisagera deux éléments liés à la collection de musique italienne des Stuarts. La reconstitution du réseau à l'origine de la transmission des œuvres, reconstitution qui sera possible grâce à leur identification, et la question du partage du goût nouveau par les élites. En éclairant une dynamique en partie encore inédite des modalités de transmission du répertoire, ces réflexions contribueront à enrichir la connaissance de la réception de la musique italienne en France au tournant du siècle. Avant d'aborder de manière détaillée cette analyse, je voudrais résumer brièvement quelques éléments à propos de la pratique musicale chez les Stuarts pour donner une idée de son évolution après leur arrivée en France. À Londres, la musique du roi se composait de trois institutions. La Anglican Chapel Royal, dans laquelle officiait notamment Henry Purcell, un groupe d'instrumentistes et de chanteurs connu sous le nom de His Majesty's Private Music, un ensemble de joueurs d'instruments à percussion et à vent pour la musique des cérémonies. À ces trois ensembles, hérités par Jacques II à la mort de son frère Charles II, il faut ajouter les musiciens de la chapelle catholique de Catherine de Bragance, dont hérita Marie de Modène à la succession, en 1685. Jacques II souhaita également la constitution d'une nouvelle chapelle catholique. Pour la diriger, il fit recruter par l'un de ses ambassadeurs, probablement John Caryl, le compositeur romain Innocenzo Fede. Auparavant maître de chapelle à l'église de San Giacomo degli Spagnoli à Rome, Fede prit ses fonctions à Londres en janvier 1686. La configuration de la musique du roi changea de manière significative après l'arrivée de la cour à Saint-Germain. Uniquement une partie des musiciens l'avait suivi. Quelques membres de la chapelle royale, donc celle dirigée par Fede, d'autres appartenant à la musique de cérémonie, toute la chapelle de la musique de la reine, un seul musicien de la private music, mais aucun musicien de la chapelle anglicane, chose qu'on peut comprendre. Innocenzo Fede, dont l'emploi au service du roi cessa en décembre 1888, suite au départ précipité de la cour, arriva à Paris l'année suivante. Jacques II étant reparti en Irlande pour combattre contre l'armée de Guillaume III, Fede passa cette fois au service de Marie de Modène. Soutenu par la reine, sa position à la cour gagna en prestige et visibilité, au point d'orienter sensiblement la pratique musicale vers le goût italien. Cette évolution n'était pas uniquement imputable à la nouvelle configuration de la musique de la cour, mais aussi à d'autres éléments. Par exemple, la pratique de la musique française, connue et diffusée à la cour d'Angleterre, où officiait notamment le compositeur et flûtiste français Jacques Paisible, n'avait plus la même connotation au château de Saint-Germain. Cultivé à Londres, le répertoire promu par Louis XIV, la musique de Lully en particulier, était un gage d'entendement et de raffinement. En revanche, dans son lieu de création, face à son mécène attitré, la même pratique aurait perdu toute sa force et sa connotation d'exclusivité. Les Stuarts n'auraient pas pu concurrencer les institutions de la maison du roi dans la promotion de la musique française. La véritable place à saisir se situait du côté de la musique italienne, d'autant plus que la pratique musicale des Stuart à Saint-Germain, s'inscrivant dans la vague de l'italianisme musical touchant la France à la fin du XVIIe siècle, anticipait également l'esthétique des goûts réunis de la Régence. Une partie importante du répertoire italien joué chez les Stuart, connu à ce jour, est renfermée dans les 7 volumes conservés à la Bibliothèque nationale de France sous la cote H659-1-7. Je les désignerai dorénavant comme la série Stuart. Ils contiennent 254 œuvres classées par ordre alphabétique d'incipit de A à V, 179 airs, 55 cantates, 20 sonates. Une autre série de 6 volumes, côté réserve F1675-5-10, présente la partie séparée de la basse continue des mêmes pièces vocales des recueils H659, dans le même ordre. Il existait probablement aussi un autre recueil, aujourd'hui perdu, correspondant au volume 1 de la série Stuart. Cette seconde série appartient à la collection Toulouse-Philidor, du nom du comte Alexandre de Bourbon-Toulouse, fils naturel de Louis XIV et Madame de Montespan. Je l'appellerai maintenant donc série Toulouse-Philidor. Les 6 volumes gardent intacte la disposition des œuvres vocales, cependant les œuvres instrumentales n'y figurent pas, afin peut-être de se conformer à un souhait particulier du commanditaire, élément sur lequel je reviendrai plus tard. L'histoire et le contenu de ces volumes sont en partie connus. Au moment de l'acquisition de la collection du comte de Toulouse par la Bibliothèque nationale de France en 1983, Catherine Massip a identifié les volumes de la série Stuart comme étant les matrices de la série Toulouse-Philidor. Une dizaine d'années plus tard, Jean Lyonnais a étudié le contenu de la série Stuart sur la base des œuvres comportant déjà le nombre d'un auteur, donc un quart environ de la collection, principalement des cantates et des sonates. Pour mon analyse, j'ai décidé d'une part de focaliser mon attention sur les œuvres demeurant encore anonymes, et de l'autre, d'essayer de dater les œuvres déjà attribuées, dans l'intention de mieux éclairer les mécanismes de constitution de cette collection. Donc à ce jour, j'ai pu réaliser ou confirmer les attributions de 185 œuvres, en plus de l'identification de 4 textes poétiques, dont je n'ai pas pu trouver l'auteur de la musique. Donc à ce jour, 3/4 de la collection sont identifiés. Le travail d'identification a permis d'établir une chronologie et de dessiner une carte des lieux d'origine d'une grande partie de la musique. Je vous donne un ordre statistique de fréquence. Donc, Venise, Rome, Naples, Bologne, Amsterdam. Et à ces lieux, il faut ajouter évidemment Londres et Paris. Donc ces deux derniers lieux se réfèrent aux œuvres spécifiquement composées pour les Jacobites avant et après leur arrivée en France. Je prendrai l'exemple des airs, car en comparaison avec les cantates ou les sonates, les airs italiens du dernier quart du siècle suivent en général un itinéraire plutôt codifié, s'agissant pour la plupart d'extraits d'opéra, copiés et diffusés simultanément à la création des œuvres lyriques. Ils ont une origine géographique, une histoire précise, une fois qu'on les a identifiés, bien entendu. Donc, voici pour les opéras, les extraits des opéras que j'ai pu identifier. Donc, on a les extraits de 16 opéras vénitiens, 10 opéras romains, 2 opéras napolitains, 2 opéras qui sont en réalité la reprise d'opéras vénitiens à Amsterdam, et un opéra de Bologne. Donc, la fréquence importante d'extraits d'opéra vénitien ne doit pas étonner. À Venise, les théâtres faisaient réaliser en parallèle de la création d'un opéra, ou même avant, dans certains cas, des recueils d'air destinés à la vente, parfois proposés aux spectateurs directement à la sortie des représentations. Il s'agit de petits volumes de format oblong, légers et faciles à transporter, presque des volumes de poche. Étant donné le grand nombre de voyageurs de passage à Venise, on retrouve aujourd'hui ces recueils un peu partout en Europe, non seulement dans les bibliothèques italiennes, mais aussi anglaises, allemandes, autrichiennes, même en France. On remarquera, petite précision, l'opéra italien est une forme, un genre, donc spectacle, qu'on ne trouve pas en France au XVIIe siècle et en partie au XVIIIe siècle. Voilà, donc pour voir un opéra italien, il fallait se rendre, donc déjà sortir de France, donc se rendre en Italie ou dans d'autres pays européens à cette époque. Donc on remarquera la présence donc, d'extraits de titres à succès tels Giulio Cesare in Egitto d'Antonio Sartorio, c'est le compositeur à qui on doit le renouveau de l'esthétique de l'opéra vénitien après la génération de Francesco Cavalli. D'ailleurs, petite anecdote pour vous donner une idée de comment ces objets pouvaient voyager, même en direction de la France. Alors, un extrait de Giulio Cesare in Egitto figure en 1692 dans une pièce, une comédie de la comédie italienne, c'est Les Chinois de Regnard et Dufresne. Et donc je suis presque sûre, en voyant les autres airs italiens qu'on jouait à la comédie italienne à cette époque, que les comédiens italiens avaient ce type de recueil. D'ailleurs, ils voyageaient souvent à Venise, donc il n'y a rien d'étonnant. On trouve également des extraits de Vespasiano de Pallavicino. Donc, c'est une œuvre très très connue parce qu'elle a inauguré le théâtre San Giovanni Grisostomo en 78. Donc, San Giovanni Grisostomo était un théâtre conçu pour éblouir au sens vraiment littéral du terme, dans le sens qu'il était somptueusement décoré et bien éclairé. Quelque chose qui à l'époque était vraiment d'une importance capitale, c'était rarissime, donc un grand luxe. Et vous le voyez dans les comptes rendus des gens qui sont allés au Grisostomo. Ils racontent d'abord ce qu'ils voient et ensuite ce qu'ils entendent. Voilà, donc Vespasiano, c'est un opéra donc très très connu et qui a beaucoup été repris dans d'autres villes italiennes pour inaugurer des salles, des théâtres. Donc, je résume très brièvement, le répertoire vénitien de la collection Stuart correspond à l'évolution de l'opéra pendant le dernier quart du siècle. C'est très intéressant de noter l'absence des maîtres plus anciens comme Cesti et Cavalli, donc même l'absence est une information dans ce cas-là. Et je reviendrai plus tard sur ces airs vénitiens, donc notamment les airs de la saison 85 dans l'analyse des œuvres d'Innocenzo Fede. Parmi les 10 opéras romains identifiés, 4 renvoient à la famille Colonna et plus largement au milieu hispanophile de Rome, avec une prédominance de titres composés par Bernardo Pasquini. D'autres sont directement liés au mécénat du cardinal Pietro Ottoboni, auteur des livrets de la Statira du Colombo de 90. À la famille Ottoboni Pamphili se rattache également la Rosaura, donnée en 90 pour un double mariage de Tarquinia Colonna, Marco Ottoboni et Cornelio Ottoboni Urbano Barberini. Donc beaucoup de musique de Pasquini, sans doute pour une raison. En 87, Pasquini avait été l'auteur d'une monumentale Accademia per Musica commandée par Christine de Suède pour célébrer le couronnement de Jacques II d'Angleterre. Pour l'exécution de cette œuvre, on fit appel à 5 solistes, à un chœur de 100 chanteurs, un orchestre de 150 instrumentistes dirigé par Corelli. Pasquini avait également composé la musique d'un acte de la Santa Dina, oratorio de Pietro Ottoboni, représenté à Rome la même année en l'honneur de l'ambassadeur de Jacques II. Quant à Scarlatti, Fede l'avait connu à Rome au début des années 80. Il avait même joué dans des pièces, dans des oratorios de Scarlatti. Au milieu d'extraits d'opéra vénitien et romain, la présence d'un ensemble d'airs tirés d'un opéra donné à Bologne suscite en revanche quelques interrogations. Apollo Geloso, c'est une pastorale du poète Pier Jacopo Martello, avait été créée au théâtre Formaliari en 98 avec la musique de Giacomo Perti. Perti était maître de chapelle de la cathédrale de Bologne, mais sa carrière d'opériste s'était construite à Venise. Si plusieurs de ses opéras vénitiens des années 90 avaient eu beaucoup de succès, avec des reprises à Rome et à Naples, Apollo Geloso demeure une production isolée, tant pour le choix du sujet que pour son lieu de création. N'ayant pas connu de reprise, il est hors de doute que ces extraits proviennent directement de Bologne. D'ailleurs, la musique de l'opéra ne se conserve pas et les airs de la collection Stuart, attribués grâce au livret, représentent la seule source musicale de cette œuvre connue à ce jour. La collection Stuart abrite aussi d'autres œuvres d'origine bolognaise, comme les cantates de Bartolomeo Monari. La circulation de ces répertoires, surtout à l'étranger, était moins importante si comparée à celle des grands centres du répertoire des grands centres italiens d'exportation de musique comme Venise, Rome et Naples. Quelle était donc la possible connexion entre les Stuarts et la ville de Bologne? Une réponse plausible vient du proche entourage de Marie de Modène. Sa première dame d'honneur, la comtesse Vittoria Montecuccoli d'Avia, avait épousé en 72 le sénateur bolognais Virgilio d'Avia, l'une des personnalités politiques les plus influentes de la ville. La comtesse d'Avia avait suivi Marie de Modène à Londres, puis de Londres à Paris, où elle était chargée entre autres de l'éducation des enfants du couple royal, le prince Jacques, le futur Jacques III, et la princesse Louise Marie. Un recueil de musique instrumentale conservé aujourd'hui à la bibliothèque municipale de Versailles, contenant notamment des œuvres pour flûte d'Innocenzo Fede et d'autres compositeurs actifs à Bologne, aurait été compilé, d'après Jean Lyonnais, avec des propos pédagogiques, la difficulté des œuvres contenues étant adaptée à l'étude et à la pratique des amateurs. Les répertoires provenant de Bologne auraient donc pu être envoyés par l'intermédiaire de la comtesse d'Arvia, probablement en concertation avec Fede. En plus des airs d'opéra, Les volumes contiennent plusieurs pièces vocales d'Innocenzo Fede. Leur analyse a mis en lumière une pratique fréquente chez les compositeurs italiens expatriés, le réemploi des textes poétiques préexistants pour écrire la musique ex novo. Avant le XVIIIe siècle, la figure du librettiste italien, si on veut, ou du parolier de musique professionnel, était plutôt rare en dehors du territoire italien. Et les compositeurs étaient souvent confrontés à la difficulté de trouver des textes adaptés à la composition musicale. Les concordances des œuvres de Fede permettent, à partir des dates de publication des sources littéraires, de proposer des dates de composition post-quem. Je prendrai l'exemple des extraits de l'opéra Ariberto Flavio Regi dei Longobardi, créé à Venise en 1985. Fede possédait des extraits de cet opéra, puisque plusieurs d'entre eux figurent dans les volumes de la collection Stuart. Si je reviens en arrière, donc on en a. Voilà. L'auteur de l'opéra, Carlo Ambrogio Lonati, avait séjourné à Londres au début de l'année 87 et y rencontra probablement Fede, qui était arrivé de Rome en décembre 86. Fede aurait pu recevoir de Lonati une anthologie d'air tirée d'opéra vénitien de la saison 84-85, donc plusieurs extraits figurent dans la collection Stuart, se servant ensuite d'une partie d'entre eux pour composer ses propres œuvres. Fede a probablement procédé de la même manière avec des œuvres d'origine romaine. Le livret de La Ninfa Apollo du poète Francesco Delle Mene, publié à Rome en 82, faisait probablement déjà partie de sa bibliothèque avant son départ pour Londres. En revanche, les extraits de La Caduta del Regno delle Amazzoni di Pasquini ont dû atteindre le sol français après 90, date de création de l'opéra. Et même chose, il y a des extraits de La Caduta del Regno delle Amazzoni dans la collection. Donc, j'imagine, Fede avait reçu un ensemble d'air et il avait extrait le texte pour composer sa propre musique. Et là, je vous donne concrètement un exemple de réemploi de Fede d'un air de Scarlatti tiré d'un opéra donc, de 95, donné à 95 à Naples, de Massimo Puppieno, Ardo Sospiro e Peno. Donc, vous avez d'un côté la version de Scarlatti, et de l'autre côté, vous avez la version de Fede. Donc, même chose, Fede aurait tiré le texte pour écrire sa propre musique. Ainsi, Fede aurait été constamment en contact avec son réseau italien, même après son arrivée à Saint-Germain en 89, continuant à solliciter l'envoi de musique d'Italie. Un dernier texte, intitulé « Sopra l'oro », provient des poésies toscanes de l'abbé Régnier des Marais. Le recueil a été publié à Paris en 1708. Il est cependant possible que Fede ait eu accès au poème de Desmarais avant la date de son édition. Ces exemples illustrent la diversité du réseau de Fede et permettent de suivre son parcours de compositeur avant et après son arrivée à Paris. Un petit nombre d'airs renvoie à deux productions d'opéra données à Amsterdam pendant les années 80-81. Il s'agit de deux remaniements d'opéra vénitien, Elena Rapita da Paride de Domenico Freschi et Le Fatiche d'Ercole per Deianira de Pietro Antonio Ziani. Les deux opéras avaient été révisés par Pietro Antonio Fiocco, un compositeur vénitien appelé à Amsterdam par Dirk Stricker, le fils du consul des Pays-Bas à Venise, avant de poursuivre sa carrière à la cour de Hanovre et à Bruxelles. Un lien direct a peut-être existé entre ces deux productions et la cour anglaise. Le 7 et 8 février 1680, le prince Guillaume III d'Orange, neveu de Jacques II d'Angleterre et époux de sa fille Marie, donc à cette époque, ils s'entendaient encore, assista avec elle aux représentations des Fatiques et d'Ercole per Deianira. La princesse avait tellement apprécié la première représentation qu'elle souhaita y retourner le lendemain. La musique de Fiocco aurait donc pu être envoyée à Londres par l'initiative de Marie d'Orange. À ma grande surprise, j'ai trouvé très peu d'œuvres liées à la cour de Modène, qui abritait pourtant l'une des collections musicales les plus riches d'Italie, réunie par le frère de Marie de Modène, le duc François II. Ce constat est un excellent point de départ pour aborder la seconde question de ma communication, c'est-à-dire les modalités de partage d'une collection princière. La constitution d'une collection suivait un principe d'exclusivité. Les copies des manuscrits étaient jalousement préservées et transmises au compte-gouttes à un cercle d'élite. Nous venons de le voir, la collection Stuart n'est pas une simple juxtaposition d'œuvres, mais représente le reflet tangible d'un vécu. Elle offre un aperçu de la pratique musicale à la cour des Jacobites, avant et après leur arrivée en France, et représente un cas unique de réception de musique italienne en France, en passant par l'Angleterre. Les 7 volumes de la collection Stuart ont été copiés par l'atelier de Philidor, d'abord pour la Bibliothèque royale et ensuite pour le comte de Toulouse. La chronologie des œuvres identifiées montre que les volumes ont été compilés après 1699 et avant 1703 ou 1705 sont les années dans lesquelles on copie la collection de Toulouse. Donc vous voyez, ça va, c'est très très vite. On dirait qu'il y avait une certaine urgence, une certaine hâte. À cette date, la vie musicale à Saint-Germain se déroulait activement, toujours sous l'égide d'Innocenzo Fede. Ces derniers, et par extension Marie de Modène, ont ouvert les portes de leur collection à la bibliothèque du roi et au comte de Toulouse. Dans quelle intention ? Ce geste avait une connotation différente pour le donneur et pour le recevant, évidemment. Pour les Stuart, le partage de ces répertoires pouvait sous-entendre l'intention de se positionner ouvertement dans le patronage d'un goût nouveau. Le rang royal leur permettait, encore plus qu'à d'autres membres de l'aristocratie française, d'affirmer une identité propre en défendant un répertoire forgé sur mesure, résultat de leur histoire récente. Du côté de la Bibliothèque royale, tant André Donican Philidor que François Fossard, les deux gardes de la bibliothèque de musique de Louis XIV, avaient réuni une importante collection de musique italienne, dont il reste aujourd'hui quelques volumes. Leur intérêt pour le répertoire d'Outremont s'était concrétisé en 1995 dans la publication d'un volume chez Pierre Ballard, Les airs italiens des plus célèbres auteurs, réunissant des extraits de leur collection. La copie de la collection Stuart s'inscrivait dans la continuité de cette entreprise. En revanche, la commande du comte de Toulouse était part de son projet, donc entamé au tout début du XVIIIe siècle, de constituer une collection musicale en faisant réaliser, entre autres, plusieurs copies de manuscrits provenant de celles du roi. Comme c'est le cas pour d'autres volumes de la collection Toulouse-Philidor, le répertoire Stuart a été copié en partie séparée, révélant l'intention pragmatique de jouer cette musique. Il en est de même pour la décision d'omettre les sonates. Dans la pratique, il n'aurait pas été aisé pour les interprètes d'utiliser des volumes contenant un mélange d'œuvres vocales et instrumentales. Il aurait fallu passer la partie d'un interprète à l'autre. Comme on l'a entendu hier, souvent et même aujourd'hui, le comte de Toulouse participait activement aux divertissements organisés par le cercle aristocrate réuni autour du Grand Dauphin, où la musique italienne occupait une place de choix. La recherche de l'originalité et de la nouveauté était au cœur des préoccupations de cette élite qui souhaitait aussi se démarquer du goût officiel. Le répertoire Stuart était une synthèse de tout ce qui était ou allait devenir à la mode en matière d'art musical italien, avec beaucoup d'œuvres originales et récentes. Originales, quand je dis originales, c'est au sens du made in Italy, donc des œuvres écrites en Italie, parce qu'à cette époque, les Français, ils commencent à écrire eux aussi sur des textes italiens. Voilà, donc originales dans ce sens-là. Les airs d'opéra, les cantates, on est vraiment dans les années qui précèdent le déferlement de volumes de cantates à Paris. Donc les Stuart les avaient déjà. Les sonates de Corelli, les œuvres du même Fede, le seul compositeur italien recouvrant une charge officielle à Paris entre les deux siècles. C'est probablement cette originalité et cette modernité qu'on souhaitait à la fois mettre en avant dans la constitution de la collection et qu'on souhaitait s'approprier par son partage. En conclusion, ce type de transmission illustre un aspect du rapport des milieux aristocrates au phénomène artistique. Ces cercles, détenteurs d'exclusivité et de nouveautés, créent des réseaux d'échanges et de circulation privilégiés. En offrant à leur père l'accès à des objets inédits, les Stuart donnent une marque tangible de leur propre prestige, tout en contribuant à la diffusion du nouveau goût à Paris à la croisée des siècles. Merci.